Lève-toi. Allez, on y va. Donnez-moi une ligne. Lève-toi. Je suis en banque. Tu veux de la coke? T'en auras quand j'aurai touché mon fric. File-lui une dose, putain, file-lui après une dose. Après le braquage, quand là, on aura le fric. File-lui maintenant, merde. Ça va lui donner du courage. J'en ai rien sinon à foutre de cet enculé. Il a qu'à se démerder sans coke. Il est 4 ans moins le quart. Allez, bouge-toi. Ramène-toi, connard.